Troisième partie, chapitre 24, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 24. Des conversations et de la solitude. Rechercher les conversations et les fuir. Ce sont deux extrémités blâmables dans la dévotion qui doit régler les devoirs de la vie civile. La fuite marque de la fierté ou de mépris du prochain, et la recherche porte beaucoup d'oisivité et d'inutilité. Il faut aimer le prochain comme soi-même. Pour montrer qu'on l'aime, il ne faut pas fuir sa compagnie. Et pour témoigner qu'on s'aime soi-même, il faut se plaire avec soi-même, quand on y est. Or, on y est quand on est seul. Pensez à vous-même, dit Saint Bernard, et puis aux autres. S'il n'y a donc rien qui vous oblige à faire des visites, on en recevra chez vous. Demeurez avec vous-même et vous entretenez avec votre cœur. Mais si quelque juste raison vous oblige à ces devoirs, allez au nom de Dieu et voyez votre prochain de bon œil et de bon cœur. L'on appelle mauvaise conversation celle où il entre une mauvaise intention ou bien une mauvaise liaison de personnes indiscrètes, libres et dissolues. Et il faut absolument s'éloigner comme les abeilles s'éloignent de la main des frelons et des thons. Car si la laine et la salive de ceux qui ont été mordus d'un chien enragé est fort dangereuse, principalement aux enfants et aux personnes d'une complexion délicate, le commerce des personnes vicieuses n'est pas moins à craindre, surtout pour ceux dont la vertu est encore tendre, faible et délicate. Il y a des conversations qui sont inutiles à toute autre chose qu'à soulager agréablement l'esprit fatigué des occupations sérieuses. Et comme l'on ne doit pas s'en faire un amusement d'oisivité, l'on peut aussi y donner le temps nécessaire à une honnête récréation. Il est d'autres conversations qui ne sont que d'honnêteté, telles que celles de visites réciproques à des certaines assemblées où l'on se trouve pour faire l'honneur à son prochain. Or, il ne faut ni s'acquitter de ses devoirs avec une crainte inquiète et superstitieuse, de manquer aux plus petites choses, ni les mépriser ou les négliger par incivilité. Mais vous devez y satisfaire avec un soin raisonnable, tâchant d'éviter également la rusticité et la légèreté. Je n'ai donc plus qu'à vous parler des conversations utiles et qui sont celles des personnes dévotes et vertueuses. Ô Philothée, ce vous sera toujours un grand bien d'en trouver des semblables. La vigne plantée parmi les oliviers porte des raisins onctueux et qui ont le goût de l'olive. Sachez aussi qu'une âme qui se trouve souvent avec des gens de bien en prend infailliblement les bonnes qualités et que leur conversation nous est toujours un grand moyen d'avancer dans la vie spirituelle. Le bourdon seul ne peut faire de miel, mais ils aident les abeilles à le faire. Les manières naturelles et simples, modestes et douces, sont les plus estimées dans les conversations. Et il y a des gens qui n'y font et qui n'y disent rien qu'avec tant d'artifices que chacun en est dégoûté. Et je ne m'en étonne pas. Celui qui ne voudrait se promener qu'en comptant ses pas, ni parler qu'en chantant, se rendrait un homme fort fâcheux aux autres. Ceux aussi qui ne parlent et qui n'agissent que d'une manière toujours mesurée et comme en cadence, gâtent extrêmement une bonne conversation. Et ces gens-là portent partout je ne sais quel esprit de présomption. Une joie douce et modérée doit être l'âme de la conversation. Aussi lui est-on beaucoup Saint-Antoine et Saint-Romuald, de ce que toute leur austérité ne leur avait fait rien perdre d'un air de civilité et de gaieté qui ornait leur personne et leur discours. Réjouissez-vous avec ceux qui sont en joie, et je vous le dis encore avec les saints apôtres. Réjouissez-vous toujours, mais en notre Seigneur, et que votre modestie vous rende recommandable à tous les hommes. Pour vous réjouir en notre Seigneur, ce n'est pas assez que le sujet de votre joie soit licite. Il doit encore être honnête. Ainsi, tenez-vous bien aux règles de la modestie. Ne vous promettez jamais ces mauvaises insultes qu'ils ont fait aux autres par manière de divertissement et qui sont toujours répréhensibles. Faire tomber l'un, piquer l'autre, noircir celui-ci, faire du mal à un fou, tout cela est d'une joie sotte et maligne. Mais outre la solitude intérieure dont je vous ai parlé et que vous devez conserver en vous, au milieu des conversations, vous devez aimer la solitude extérieure, non pas jusqu'à la chercher dans les déserts, comme Sainte Marie l'Égyptien, Saint Paul, Saint Antoine, Saint Arsène et tant d'autres solitaires, mais pour avoir quelque temps que vous puissiez être à vous, soit en votre chambre ou dans votre jardin, ou ailleurs avec plus de liberté, et pour vous y occuper avec votre cœur de quelques bonnes pensées ou de quelques douces lectures. C'était la pratique du grand évêque de Nazianze. Je me promenais, dit-il, avec moi-même sur les bords de la mer, environ l'heure que le soleil se couche, et j'y passais doucement le temps, car j'ai coutume de prendre ce petit divertissement pour soulager mon esprit des ennuis ordinaires de la vie. Saint Augustin rapporte que Saint Ambroise en usait de la sorte. J'allais souvent, dit-il, chez lui, étant entré dans sa chambre, dont on ne refusait l'entrée à personne. Je prenais plaisir à le voir attaché à la lecture des bons livres, et après avoir longtemps attendu en grand silence, je m'en retournais sans lui parler, pensant qu'il ne fallait pas lui ôter ce peu de temps qui lui restait de ses grandes affaires pour en délasser son esprit. Enfin, c'est l'exemple que le Fils de Dieu nous a donné, car ses apôtres lui ayant un jour raconté tout ce qu'ils avaient fait dans une mission, il leur dit « Retirons-nous seuls dans la solitude. Venez, vous y reposez un peu. » Fin de chapitre 24, troisième partie.